À l'occasion du 68e anniversaire de la République populaire démocratique de Corée, l'association du district central et méridional de l'Association générale des Coréens en Chine a tenu un meeting de célébration le 7 courant à l'ambassade coréenne en Chine. Y ont pris part le président et le vice-président de ladite association et les compatriotes coréens en Chine. Les participants ont tout d'abord déposé une corbeille de fleurs devant les portraits empillés du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il avant de rendre hommage. Ensuite, ils ont adopté un message de félicitations à l'adresse du maréchal Kim Jong-un. Il y a eu un cours sur les espoirs de direction des grands leaders pour la fondation de notre République et son développement.